l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Plus on dit que la musique de Claude Debussy est impressionniste, moins on se demande pourquoi est-ce qu'il faisait quelques vagues avec ses motifs, par quelle motivation en venait-il à rester dans un certain flou. Et moins on se demande, plus on se laisse plomber par les étiquettes les plus massives, plus on se détourne des subtilités et des légèretés. Et si précisément, les partitions de Debussy étaient restées dans les vagues de l'impressionnisme par souci de légèreté, avec l'espoir de défaire les pesanteurs qui pèsent sur le monde musical et l'essentiel de ses productions. Un musicologue a regardé de plus près le catalogue des œuvres de Debussy pour y découvrir que les œuvres humoristiques y sont nombreuses, voire prépondérantes. Auteur de L'humour de Claude Debussy, paru aux éditions Hermann, Benjamin Lassauzé est l'invité de ce numéro allégé de Métaclassique. Arguerich, on ne sait pas qui le public applaudit. Est-ce que c'est vraiment Debussy ou tous les compositeurs qu'il cite dans cette partition ? Bonjour Benjamin Lassauzé. Bonjour. Vous ouvrez votre réflexion sur l'humour de Claude Debussy qui est paru aux éditions Hermann avec une citation de Camille Saint-Saëns à propos justement de ses Jardins sous la pluie. Il annonce Jardins sous la pluie, titre séduisant qui fait songer à La forêt mouillée de Victor Hugo, et il nous donne une interminable série d'arpèges sur Dodo l'enfant et Nous dirons plus au bois. Par là, donc, Saint-Saëns nous indique qu'il y a production comique de Debussy. Il nous l'indique et il nous indique aussi que l'humour est à son époque perçu comme quelque chose d'absolument méprisable. C'est-à-dire que l'œuvre savante se doit d'être sérieuse, d'être lyrique, d'être grandiose, mais jamais comique, jamais se rabaisser à la chanson populaire, à la chanson enfantine, ce que fait volontiers Debussy dans ses Jardins sous la pluie. C'est-à-dire qu'en 1920, jouer avec le langage musical, c'est sous-composer. En tout cas pour Camille Saint-Saëns. Alors en 1920, le contexte est maintenant propice au néoclassicisme, à l'humour musical. L'école d'Arcueil, issue de Satie, a fait avancer la cause de l'humour musical. Mais en tout cas, à l'époque où Debussy compose Les Jardins sous la pluie, c'est-à-dire plutôt à la fin du 19e siècle, c'est déjà beaucoup plus critiquable. Plus on trouve que son humour est insidieux, plus on a tendance à considérer que l'humour de Debussy est ponctuel, marginal, que c'est pas quelque chose de véritablement régulier dans sa production. Ben c'est bien dommage parce que en réalité, Debussy a beaucoup été considéré comme le compositeur impressionniste par excellence, le compositeur symboliste. Les grandes œuvres qu'on retient de Debussy, c'est La Mer, c'est Péléas et Mélisande, c'est Le Clair de Lune. Et on oublie que Debussy a en réalité composé 75 œuvres comiques et que ces œuvres comiques couvrent toute sa période de production, toutes les périodes de production. Et ça couvre aussi tous les genres possibles, donc les mélodies, les musiques pour piano, le ballet, c'est très, très varié, très divers. Mais alors, vous, en faisant une thèse sur l'humour de Debussy, comme tout thésard, vous soupçonnez l'ensemble de la littérature qui vous a précédé de sous-évaluer votre enjeu, et exactement. Donc tous les analystes de Debussy de ne pas avoir vu assez l'humour qu'il y a chez Debussy, jusqu'à Boulez, par exemple, quand il parle de jeu, il parle de l'architecture, Stockhausen, quand il parle de cette même partition de 1912, jeu, il parle surtout pas de l'humour, alors que vous y voyez de l'humour. Alors, tout à fait. Alors, Boulez, Stockhausen, et on peut mettre également Baraké dans la même, et Messiaen également dans le même panier. Ce sont des compositeurs d'avant-garde qui, après-guerre, ont eu envie de faire table rase, mais en même temps de se réclamer d'une certaine modernité en prenant appui sur les compositeurs du début du siècle qui pouvaient s'inscrire dans la lignée de leur langage. Et ils ont relu Debussy avec une lecture extrêmement formaliste qui n'était pas tout à fait celle de Debussy. Si on prend l'argument de jeu, c'est un argument qui est en fait une histoire d'enfant. Oui, c'est une partie de tennis en fait, mais qui prête aussi à chorégraphie de Nijinsky. C'est fait pour être dansé. Oui, et quand on lit vraiment ce que Debussy a écrit comme argument, c'est même pas seulement le contexte général, mais la manière dont il décrit cet argument, c'est on se boude, on se cherche, on joue à on se querelle, on se poursuit. Je vais le citer exactement. Vous citez qui, la partition ? Je cite l'argument tel que Debussy l'a écrit. La lumière artificielle des grands lampadaires électriques qui répand autour d'eux une lueur fantastique leur donne l'idée de jeux enfantins. On se cherche, on se perd, on se poursuit, on se querelle, on se boude sans raison. C'est vraiment la cour de récré. La version dirigée par Pierre Boulez de Jeu de Claude Debussy, une partition qu'il compose pour Nijinsky. À l'époque où les peintres commencent à faire du cubisme, on dirait que de la même façon, Debussy prend des motifs un peu hétérogènes et puis joue au tennis avec. Oui, effectivement, c'est ce que les compositeurs de l'avant-garde des années 50 ont vraiment pointé quand ils ont analysé Jeu, c'est qu'elle ne respecte pas les cadres des formes que Debussy pourrait qualifier de formes administratives, c'est-à-dire la vieille forme sonate, les vieilles formes en ABA, etc., dont Debussy cherche à se défaire. C'est l'une des grandes avancées de Jeu, mais cette grande avancée formelle a sans doute contribué à éclipser l'avancée comique de cette œuvre. Alors quand il parle de forme administrative, là on reconnaît aussi l'humour de Debussy, une partie de son humour que vous qualifiez, Benjamin Lassauzé, de supériorité. C'est-à-dire qu'il prend une espèce de supériorité par rapport au reste de la production sérieuse. Oui, c'est cet humour que je qualifie également d'humour rouge, c'est-à-dire un humour qui cache de manière légère un véritable agacement. C'est-à-dire que Debussy avait une haute opinion de son art, comme je pense beaucoup de compositeurs, et détestait que l'on puisse l'utiliser d'une manière quotidienne, anecdotique, ou qu'on puisse rabaisser la beauté de la musique. Et justement, ces formes convenues qu'il qualifie d'administratives, ben, c'est une manière pour lui de rabaisser la musique. Donc il préfère s'en amuser plutôt que de fulminer. Et alors, parmi les exemples d'humour rouge que vous empruntez à ses propres écrits, il y a par exemple un détail assez comique, c'est que l'on trouve Perrier de plus en plus admirable. Perrier était un chanteur de l'époque. Cela tient certainement à ce qu'il ne chante plus du tout ma musique. Ouais, et il n'était pas tendre avec ses interprètes. Seule Mary Garden, qui a été la créatrice du rôle de Mélisande, n'a jamais souffert de la moindre de ses critiques, tant il adorait sa voix et sa personnalité vocale. Tous les autres en prennent pour leur grade. Et puis dans l'humour rouge, on a aussi Monsieur Sylvain Dupuis, tient plus du bœuf que du chef d'orchestre. Oui. Alors, cette histoire de mettre des couleurs à l'humour, Benjamin Dassauzé, vous l'apprenez à Dominique Noguès dans un livre qui s'appelle « L'arc-en-ciel des humours ». Il imagine que chacun des types d'humour peut être associé à une couleur. Et vous reprenez le panel de ces couleurs pour explorer les différents humours de Debussy. Exactement. En fait, j'ai épluché la totalité de la correspondance de Debussy, c'est-à-dire les 2200 pages qui nous sont parvenues dans un gros bouquin publié chez Gallimard. J'ai épluché toutes les critiques musicales de Debussy, tous ses écrits, ses manuscrits pour des projets de théâtre ou de romans. Et tout cela m'a donné une matière gigantesque d'écrits humoristiques qu'il me fallait ensuite présenter d'une manière organisée. Je me suis tourné la tête plusieurs fois avant d'arriver à cet arc-en-ciel des humours de Dominique Noguès, que je trouve extrêmement parlant, et qui permet de non pas d'aborder l'humour sous sa forme, sous des aspects formels, l'ironie, le sarcasme, la satire et la manière dont ils sont constitués, mais plutôt sous des aspects thématiques. Et donc, l'autodérision, l'aspect enfantin, l'aspect fantasque, l'utilisation du langage comme matériau d'humour, etc., etc. Alors, l'aspect enfantin, vous lui donnez aussi une couleur, le vert. Vous citez Casella, le compositeur Casella, qui disait à propos de Debussy, à 50 ans, il s'amusait plus que sa fille Chouchou avec les jouets que sa mère avait apportés pour elle. Il a gardé l'âme d'enfant jusqu'au bout. Ah bah oui, et puis la preuve, c'est qu'à la fin de sa vie, et je pense que Chouchou l'a replongé en enfance, à sa naissance en 1905, a été finalement le déclencheur d'une véritable moisson d'œuvres comiques enfantines. Oui, parce qu'il avait 43 ans. Oui, et les plus célèbres étant Children's Corner, le cycle pour piano qu'il a composé en 1908, et La boîte à joujoux, le ballet, qui est en fait sa plus ambitieuse réalisation comique, enfin, un ballet d'une demi-heure. Thank you. Le pianiste Aldo Ciccolini. Alors, dans une page très particulière de la boîte à joujoux, Benjamin Lassauzé, c'est celle où il se moque d'un nègre, comme on disait à l'époque, jouant du climat de négrophilie. Mais on ne sait pas très bien qui se moque de qui, finalement. Alors, c'est toute l'ambiguïté des rires, ce que j'appelle les rires nègres chez Debussy. Alors, il y a plusieurs œuvres qui mettent ces rires nègres en exergue. La plus célèbre étant le rire de Gollywog's Cakewalk, qui est la dernière pièce de Children's Corner. Juste après avoir cité le début de Tristan de Wagner, on entend des petites interjections saccadées au piano, qui sont finalement le rire de Gollywog qui se moque de Wagner. Et on retrouve ce même rire nègre à la fin d'une séquence qui met aux prises le personnage du nègre avec le personnage du policeman dans la boîte à joujoux, qui sont en fait finalement des jouets dans une boîte à joujoux qui la nuit s'anime, et donc le nègre et le policeman s'animent ensemble. Le policeman a l'air plutôt belliqueux, plutôt violent, et finalement à la fin de cet épisode on entend le nègre rire, et Debussy ne donne pas plus d'indications dans la partition sur ce qui se passe dans cet épisode. Ceci dit, à la même époque, un duo de clowns a un énorme succès. C'est le duo Footit et Chocolat. Chocolat étant le premier clown noir et qui tout Paris a pu voir sur scène se produire. Remis sur le devant de la scène récemment au cinéma par Omar Sy. Exactement. Et avant cela, par Gérard Noiriel, dans son ouvrage consacré à Chocolat, qui a servi de base à ce livre, à ce film, pardon. Et justement, il y a un sketch de Footit et Chocolat qui s'appelle Le Policeman, où Footit demande à Chocolat de frapper un pantin qui est à l'effigie d'un policeman. Et puis ensuite, le pantin est remplacé par un véritable policeman et Chocolat demande à Footit de le frapper, sauf que le policeman ne se laisse pas faire et va frapper Footit en échange. Et du coup, à la fin du sketch, Chocolat se tord de rire. Et finalement, je pense que dans la boîte à joujoux, Debussy a récupéré ce sketch. Si la boîte à joujoux nous a fait comme ça, donc passer de l'humour vert à l'humour nègre, nous allons maintenant passer à l'humour bleu, bleu comme la mer, dont voici un extrait. Ce n'est pas tant cette musique, La Mer de Debussy, qui se veut de l'humour bleu, Benjamin Lassauzé, que ce que Debussy dit de cette partition. Parmi les phrases, il y a « La mer a très La mère a été très bien pour moi, elle m'a montré toutes ses robes. Alors en fait, il ne parle pas de la partition. En fait, il était en vacances à la mère et il imagine que la mère est une personne et dit que la mère a été très bien pour lui, il lui a montré toutes ses robes. Et à chaque fois qu'il va à la mère, il parle de la mère comme d'une personne avec qui il s'est entretenu. Mais alors, il joue aussi avec la partition, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal, puisque vous consacrez un livre de 600 pages à l'humour de Debussy, c'est que Debussy lui-même dit un jour « Est-ce que vous croyez sincèrement à la musique humoristique ? D'abord, ça n'existe pas en soi, il lui faudra toujours l'occasion, soit d'un texte, soit d'une situation. » Oui, alors ça c'est une phrase qui est... très important entre vous, je pense. Non. C'est pour moi très intéressant. Alors d'abord, il faut la remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'il a écrit cette phrase dans une lettre où il venait d'entendre les histoires naturelles de Ravel, qui sont vraiment une œuvre humoristique. Ravel était son grand rival. Donc il a voulu, en gros, piétiner cette œuvre de Ravel et le succès qu'elle a connu. En disant que de toute façon la musique humoristique ça n'existe pas et que et effectivement on peut mettre à son crédit que si on écoute une musique qui n'a pas de texte, pas de titre et aucune autre indication extérieure à la musique elle-même pour nous indiquer qu'il y a de l'humour, et c'est assez difficile d'identifier qu'il y a de l'humour parce que l'humour musical ne se base pas sur des éléments musicaux qui lui seraient réservés. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a aucun élément musical qui soit proprement humoristique, et à la fois, tout élément musical est susceptible de devenir humoristique selon le contexte dans lequel on le place. De fait, l'humour musical de Debussy passe presque toujours par un argument, par un texte, par un titre qui nous indique l'intention humoristique du compositeur. C'est un jeu de contexte que lui-même va remettre en jeu dans un petit test qu'il fait passer à un de ses auditoires à qui il joue la mère au piano. Alors, il joue pas vraiment la mère, il improvise. Il fait semblant. Il improvise, il fait croire qu'il est en train d'improviser en étant inspiré par l'idée de la mère. L'auditoire de ce salon est conquis. Oui, je vois vraiment la mère, j'entends les vagues, je sens la houle. Il leur dit, non, en fait, je n'étais pas du tout inspiré par la mère, je voulais vous faire une farce. Ça veut vraiment bien dire que la musique par elle-même n'exprime rien du tout et qu'on peut, par un texte, complètement changer l'idée d'un auditeur. Ensuite, il refait la même expérience, mais cette fois-ci, il ne dit rien du tout à son auditoire. L'auditoire pense encore entendre la mer, et effectivement, Debussy jouait inspiré par la mer. Finalement, la musique n'est pas si indépendante si que cela. Si figurale que ça, si on ne le dit pas. Voilà. Ouais. Et puis, il joue en 1905 à un jeu qui est lancé par une revue de devinettes musicales. C'est ça. Il y avait un piano à gagner. C'était la revue Musica qui faisait gagner ce piano et qui avait mis dans cette revue, il me semble, 5 partitions anonymes, en tout cas anonymées, de compositeurs français dont les lecteurs devaient retrouver qui était l'auteur de quelle musique. Il y avait une liste de 30 compositeurs proposés et Debussy faisait partie de ces 5 compositeurs qui ont écrit une pièce pour ce jeu concours. Cette pièce est en réalité une excroissance d'un projet d'opéra qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelle Le Diable dans le Beffroi, qui était là aussi une œuvre comique, puisqu'on a affaire à un diable qui n'a rien de Méphistophélès terrible de Faust, mais qui est en fait un petit lutin farceur qui ensorcelle les villageois d'un village de Flandre et leur fait danser la gigue malgré eux. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que une seule personne a trouvé les 5 compositeurs, ce qui est bien pour cette personne qui a gagné un piano. Mais surtout, Debussy a été le deuxième compositeur le plus reconnu sur ces 5 partitions. Or, c'est une œuvre véritablement comique qu'avait composée là Debussy. Ce qui veut dire que pour l'auditoire de l'époque, le Debussy comique peut être reconnu. Une pièce très courte que l'on entend sous les doigts d'Alain Planès. « Mais pourquoi l'appelle-t-il morceau de concours, ce morceau ? Bah parce que c'est vraiment un morceau destiné à ce concours. D'accord, voilà. C'est pour le concours. Parce voilà, qu'il n'a pas de titre. Il a aussi des partitions où il se moque de la littérature pédagogique. Oui, il y en a notamment deux. La première étant la première pièce du Children's Corner, qui s'appelle « Docteur Gradus ad Parnassum », qui est une pièce qui se moque des « Gradus ad Parnassum » de Czerny et de Clementi. Qui sont des ouvrages pédagogiques de référence du 19e siècle. Voilà, exactement, et sur lesquels il a certainement souffert quand lui apprenait le piano étant enfant. Et il veut créer lui-même son étude de piano pour enfants avec ses exercices plus techniques que musicaux. Et donc il va mettre la sourdine sur l'aspect lyrique de sa musique telle qu'on l'entend habituellement pour donner quelque chose de très mécanique et froid. C'est une manière de se moquer des difficultés surfaites de la virtuosité toute technique. Ah, c'est une manière surtout de solder le problème qu'il a avec l'enseignement de la musique tel qu'il l'a connu, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment été épanoui lorsqu'il a appris le piano, la composition au conservatoire. Il y a passé de mauvais moments, comme je pense tout le monde d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprendre, de faire des gammes, d'apprendre des exercices très technique. Et il a soldé son compte avec cette œuvre. Il faut donc aussi y entendre une charge anti-académique. Ça m'a donné envie de vous proposer d'en entendre la version de Lang Lang. La musique classique est au-delà. C'est métaclassique. Avec David Christoffel. La première page des Children's Corner de Debussy, Docteur Gradus ad Parnassum, une œuvre humoristique, quoique jouée assez sérieusement par Lang Lang à l'instant. Benjamin Lassauzé, vous rapprochez cette pièce de l'une des pièces des Petits péchés de vieillesse que Rossini composait bien des années après avoir fait de l'opéra, qui s'intitule justement Mon prélude hygiénique du matin, justement parce que c'est donc un exercice qui joue d'être un exercice. Oui, en fait, Debussy, dans cette ouverture, ce prélude finalement des Children's Corner, parce qu'ensuite le reste des Children's Corner sont dans un tout autre esprit. On va animer les jouets de sa fille chouchou. Ce prélude qui n'a donc rien à voir avec le reste du cycle est véritablement son prélude hygiénique du matin. Et d'ailleurs, lorsque son éditeur Durand lui demande quel tempo indiquer sur cette œuvre, Debussy répond: Docteur Gradus ad Parnassum est une sorte de gymnastique hygiénique et progressive. Il convient donc de le jouer tous les matins à jeun, en commençant par modérer pour aboutir à animer. On retrouve vraiment cette idée de musique hygiénique et du matin. Et effectivement, le même motif utilisé par Rossini est utilisé au début de l'œuvre du Docteur Gradus de Debussy. Après ce prélude hygiénique du matin de Rossini, Benjamin Lassauzé, Omer Corlet a une question pour vous. Dans l'humour chez Debussy, j'ai l'impression que vous avez soulevé un lapin que je n'avais pas vu ni perçu. Dans la question de l'humour chez Debussy et sur la question de la couleur, dans votre introduction, vous dites bien, en citant la phrase dans la lettre à Durand, elle est de couleur et de temps rythmé, la musique de Debussy. Et si on va beaucoup plus loin, évidemment, la question de la couleur, alors que nous pouvons rattacher à timbre et que les modernes ont effectivement limité à un premier sens, il y a peut-être un sens beaucoup plus intense quand on l'observe dans ce qu'on vous apporte, dans ce qu'on vous approchez. L'humour chez Debussy est par exemple l'humour nègre, qui est bien sûr très, très contextualisé, qui correspond à ce que l'on voit justement à l'exposition Toulouse-Lautrec, qui est actuellement au Grand Palais, où on voit effectivement Fouti et Chocolat, Raphaël, pour reprendre son nom. Là, on voit bien, et puis le rapport à l'enfance chez Debussy, à son enfant, à lui, à Chouchou, il y a quelque chose de beaucoup plus important. On a l'impression qu'il fait un travail en temps réel sur la question de la négritude. Sans le dire, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre des subalternes studies. Et surtout dans Govilog, où il fait la citation de Wagner, du Tristan de Wagner, qu'il tonalise, comme on dit, qu'il fait une résolution. Là, dans cet élément, on voit bien que la musique se situe entre deux éléments, la question de couleur et la question de rythme. Il l'accentue. Paradoxalement, la tension devient très très forte entre ces deux éléments. Et j'ai envie de me poser, la question qui me vient, c'est de dire, en fin de compte, dans la question de l'humour que vous placez du point de vue de Hobbes comme celle de l'inférieur face au supérieur, il ne peut dialoguer au supérieur que sur le mode de l'humour, ne serait-il pas la situation de Debussy face à ses contemporains qui sont wagnériens, on peut presque le dire, du moins la génération qui l'entoure, des jeunes, ils sont wagnériens. Et lui, il est un petit peu dans une position un peu bancale pour être compris. Et peut-être que cette question d'interroger la couleur, eh bien, peut-être qu'on la trouve en blanc et noir. Peut-être que là, paradoxalement, même si c'est les histoires de touches noires et touches blanches du piano qui sont là, peut-être qu'il veut dire beaucoup plus de choses qu'on pourrait l'entendre. Donc la question de l'humour, c'est peut-être une question de l'humour comme révolte, mais qui a été une réflexion sur la question de l'enfance, mais qui va beaucoup plus loin, en fait, qui devient une question politique chez Debussy, malheureusement pas entendue ou mal entendue. Thank you. Alors, Benjamin Dassauzé. Merci pour cette question qui est très riche, très complète. Pour revenir à Wagner, au rapport entre Wagner et Debussy, qui est peut-être le nœud de cette question, c'est que Debussy a d'abord répondu aux sirènes wagnériennes au début de sa carrière. Il connaissait Tristan par cœur, il a fait deux fois le pèlerinage à Bayreuth, et certaines de ses œuvres, et notamment les cinq poèmes de Baudelaire, se ressentent de l'influence wagnérienne. Puis Debussy sent qu'il est en train de perdre sa singularité au contact de la musique wagnérienne et il va chercher à s'en détacher. Alors il va s'en détacher par ses écrits, ses critiques musicales où il définit Wagner comme un beau coucher de soleil qu'on a pris pour une aurore. Une formule que je trouve très belle, où plutôt que de considérer Wagner comme un révolutionnaire qui ouvre une nouvelle voie, il le considère comme la fin d'une époque, et maintenant il va falloir en ouvrir une nouvelle, et bien il va se charger d'en ouvrir une nouvelle, et notamment en piétinant musicalement Wagner par l'humour. Alors plutôt que de piétiner rageusement Wagner, Debussy, dans Golliwogg's Cakewalk, justement, le fait par le biais de l'humour, en justement, comme vous le dites, en tonalisant le début de Tristan et en le mettant en contact avec un ragtime, un cakewalk, beaucoup plus, pour lui, beaucoup plus spontané, beaucoup plus libre et beaucoup plus enfantin. Et ce que Debussy recherche, à mon avis, à ce moment-là, c'est donner une cure de jouvence au langage musical qui, à cause de Wagner, a prématurément vieilli. Et cette cure de jouvence, pour lui, vient d'un langage beaucoup plus spontané, beaucoup plus libre, beaucoup plus fantaisiste. D'où, à mon avis, le fait que son humour, comme vous le dites avec raison, est un humour révolutionnaire dans le sens où il veut ouvrir une nouvelle voie musicale par le biais de son humour. Et alors, ce rapport aux touches blanches et touches noires dans la partition en blanc et noir dont parlait Omer Corley? Je serais moins... Vous êtes moins convaincu. Ouais. Il y a une partition que l'on va écouter, interprétée par Debussy lui-même. Il faut peut-être préciser la danse de Puck, dans quelles circonstances et avec quels moyens techniques il pouvait enregistrer en 1913. Alors Debussy a enregistré de deux manières. D'abord en 1904 par le biais du phonographe. Avec Mary Garden, donc sa première Mélisande, et ça donne des enregistrements comme on les connaît, qui du début du siècle, qui grattent, où on n'entend pas grand-chose, il y a beaucoup de bruit et c'est difficilement exploitable. Il a également enregistré plusieurs pièces pour piano seul sur un instrument reproducteur, c'est-à-dire que lorsqu'il jouait, se déroulait un papier qui était perforé en temps réel, papier qui était ensuite placé sur un autre instrument reproducteur et qui rejouait ce qu'il venait d'interpréter. De cette manière, on peut entendre la musique sans perte de qualité sonore, puisque on peut aujourd'hui mettre ce papier dans un piano et enregistrer dans des conditions tout à fait modernes ce résultat. Donc on peut entendre d'une très bonne manière comment Debussy jouait du piano. À propos de cette danse de Puck interprétée par Debussy en 1913, Benjamin Lassauzé, vous parlez d'interprétation capricieuse. Il n'est pas fidèle à lui-même ? Non, et c'est peut-être l'enseignement de l'analyse de ces enregistrements, c'est que on sait que Debussy était très scrupuleux sur la manière de noter toutes les indications dans la partition, notamment tous les modes de jeu, où parfois sur une seule note, il peut y avoir trois indications de mode de jeu, un point, un trait et puis un soufflet. Donc il y a énormément d'indications. Le pianiste s'arrache facilement les cheveux pour réussir à retranscrire cette qualité de timbre que recherche Debussy et qu'il essaye de placer dans la partition. Mais lorsqu'on l'entend jouer, eh bien on se rend compte qu'il prend ses distances par rapport à la partition, par rapport à cette fidélité. Et puis il peut se le permettre puisqu'il est le propre auteur de cette musique. Mais surtout, il retire une mesure par-ci par-là, il presse tel tempo, il ralentit tel rythme, il change telle note, et finalement ça donne une interprétation qui, encore une fois, on retrouve ce terme, qui est très spontané, fantaisiste, qui fait parfois défaut dans la plupart des autres interprétations, puisque les interprètes ont à cœur de traduire ce qu'il y a écrit dans la partition. Alors, vous avez même comparé mesure par mesure d'une version à l'autre, entre celle de Debussy et celle du pianiste italien qu'on a écouté tout à l'heure, Aldo Ciccolini, là où le rubato advenait, et selon l'endroit, ça ne veut pas dire la même chose, c'est pas le même degré d'ironie ou quelque chose comme ça ? En fait, c'est surtout le degré de rubato qui diffère. C'est-à-dire que bon, c'est peut-être aussi un effet de l'époque. L'époque de Debussy laisse plus de place au rubato que notre époque. Et plus on avance, moins le rubato... Plus le temps redevient régulier. Voilà, exactement. Plus le rubato semble de mauvais goût. Ceci dit, voilà, on observe vraiment que Debussy joue avec un rubato très généreux, notamment dans les œuvres qui s'y prêtent, c'est-à-dire les œuvres vraiment capricieuses comme La danse de Puck ou comme Minstrels, ou également dans des œuvres qui sont volontairement maladroites, comme Jimbo's Lullaby, la berceuse à l'éléphant. Un éléphant que l'on berce, c'est quelque chose qui est assez peu pratique. Donc Debussy volontairement joue sur cette maladresse par le biais des fluctuations du tempo. Et alors, il y a une partition que l'on prend rarement pour humoristique, mais dont vous montrez qu'elle est pourtant à pleine charge parodique, c'est la plus que lente, qui est une valse, mais qui, comme elle est plus que lente, perd un peu son statut de valse, et ce faisant, il parodie le genre valse. Le titre lui-même indique déjà une intention humoristique. Encore une fois, c'est souvent par le titre que l'on peut savoir si la volonté de Debussy est de faire de l'humour ou pas. Il y avait une vogue dans les années 1880-90 des valses lentes, qui porte souvent pour titre valse lente, et lui, il a voulu se singulariser en faisant une valse plus que lente. C'est voilà, une manière de pousser le curseur un peu trop loin, et en le poussant trop loin, ça devient de l'humour. Et cette œuvre est effectivement une parodie de valse de salon, romantique, complètement vide d'intérêt musical, mais extrêmement expressive pour compenser cette vacuité. Est-ce que ça veut dire que la version la plus longue est la meilleure ? Je dirais que la version qui contient le plus de rubato serait la meilleure. C'est-à-dire que plus elle est de mauvais goût, mieux elle sera. Alors je vous laisse en juger, voici la version de Samson François. Thank you. peut-être presque encore trop délicat et respectueux du texte pour être dans l'esprit de Roubato exagéré dont on parlait ensemble, Benjamin Lassouzé. C'était la version donc de Samson François, de la plus culante de Debussy. Il y a un humour que l'on n'a pas encore abordé, si ce n'est par l'humour d'Aigre, c'est l'humour interculturel qu'il peut y avoir quand, comme c'était à l'époque la mode des expositions universelles, d'importer des langages musicaux d'autres modèles nationaux et au passage de les caricaturer légèrement. Oui, et il y a notamment une nation qui a le bénéfice de se voir caricaturer le plus souvent, mais c'est parce que Debussy s'y intéresse vraiment, c'est l'Espagne. C'est-à-dire que Debussy a écrit beaucoup d'œuvres espagnoles, et la plupart de ces œuvres espagnoles sont des œuvres comiques. Il y a par exemple la Puerta del Vino avec à un moment, alors là c'est un moment très court, hein, il y a deux mesures où Debussy écrit ironique et soudain là on a un changement de mode qui est très étrange. On a l'impression que le motif qui vient d'être exprimé est repris de manière un peu amusante avec second degré. Il y a aussi la sérénade interrompue qui est le neuvième prélude du premier livre en 1909. C'est une scène nocturne où un pauvre chanteur de sérénade sur le balcon de sa bien-aimée va connaître plein de péripéties qui vont l'empêcher de mener à bien sa tâche et notamment l'arrivée d'un orchestre de rue qui vient le perturber dans son chant. Et cet orchestre de rue justement est tiré d'Iberia, du troisième et dernier mouvement d'Iberia, le matin d'un jour de fête, qui est une véritable, un véritable tableau comique où on a justement cet orchestre qui s'éveille au matin et qui n'est pas au-delà de toute critique dans sa manière de jouer. Donc on va avoir des modulations qui n'ont rien à faire là, des solistes qui sont pas franchement de bons musiciens et dont les autres se moquent, des motifs qui vont venir repartir un peu à la manière de confettis et puis des masses qui sont enjouées avec un tempo très allant. Mais alors, quand on entend Debussy jouer avec l'orchestre de cette façon, à faire de la presque mauvaise musique pour la mettre en situation très clairement parodique, il reste que lui-même, par rapport à ses contemporains qui peuvent faire de l'humour en musique, il n'apprécie pas toutes les mêmes manières à la même hauteur. Notamment, il préfère beaucoup ce que peut faire en humour Chabrier que Jacques Offenbach. Non, il aime beaucoup... Jacques Offenbach, mais il reconnaît, et d'ailleurs lorsque quelqu'un lui demande quelles sont ses influences musicales, il dit notamment tout Bach et Offenbach. Alors peut-être il est guidé par le jeu de mots. Le jeu de mots. Et du coup son interlocuteur est un peu interloqué parce qu'il ne sait pas s'il rigole ou pas, et c'est d'ailleurs le propre du caractère de Debussy, c'est-à-dire qu'il est constamment dans l'ironie, on ne sait jamais quelle est sa véritable intention dans ce qu'il dit. En tout cas, il a une véritable passion passion pour Offenbach, parce que dès qu'il y a l'occasion de l'entendre en concert, il y court. Ceci dit, il reconnaît que l'humour d'Offenbach passe davantage par le texte, par les situations et par la manière dont le texte est chanté, par la répétition de certaines syllabes et la déformation des textes, que par des moyens purement musicaux. Et il préférerait que ce soit des moyens purement musicaux, pour autant qu'il n'y croit pas pour faire de l'humour. Exactement. Mais alors pourquoi est-ce que lui-même, Debussy, n'écrit pas d'opérette ? Peut-être parce que c'est un genre bas. Bah, vous dites que c'est un compositeur humoriste. Oui, mais il a constamment utilisé des genres hauts pour les tourner de manière comique. Par exemple, dans ses préludes, les préludes font référence à toute une tradition, les préludes de Bach, les préludes de Chopin, qui sont voilà, des monuments. Et bien pourtant, dans ses préludes, il y en a presque 8 qui contiennent de l'humour. Pour autant, il ne va pas écrire de la musique légère. C'est-à-dire qu'il préfère rabaisser la musique savante que se mettre au niveau de la musique légère. Sachant que son humour dans les préludes est un humour intertextuel qui joue d'emprunt à ses propres partitions qui, elles, sont plus explicitement humoristiques ou comiques. Pour terminer, peut-être l'humour involontaire quand il est drôle sans le vouloir, quand en fait on se moque de lui, comme par exemple au début de Péléas et Mélisande, qui, au passage, est créé à l'opéra comique. Oui, mais alors c'est pas du tout une œuvre comique. Hein. Il y a juste un tout petit passage comique dans Péléas et Mélisande, c'est quand Ignold, menacé par Golo, parce que Golo veut s'en servir comme d'un espion de la couche de Péléas et Mélisande, lui promet un arc et des flèches, et soudain la musique s'illumine, et ça devient une musique enfantine. Un arc et des flèches, c'est vrai. Donc voilà, c'est le seul moment comique. Mais alors, l'ironie de la carrière de Debussy, c'est qu'en fait, le sommet de sa carrière d'humoriste, s'est présenté le soir de la répétition générale de Péléas et Mélisande, où le public était tordu de rire, mais sur une œuvre qui n'était pas du tout comique. Et pourquoi ? Bien, alors, ça a été... Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore, mais qui pour vous est clé pour qualifier l'humour de Debussy, c'est l'incongruité. Alors, il y a effectivement l'incongruité d'un texte qui paraît banal, mais qui en fait contient toute une force symbolique sous-jacente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je fais écouter des extraits de Péléas et Mélisande à mes étudiants, souvent je les entends pouffer. Parce que le texte est tellement banal que si on le prend au premier degré, on a l'impression d'une œuvre vraiment, vraiment... parodique. Exactement. Et je pense que les gens qui étaient mal disposés à l'égard de Debussy s'en sont servis facilement. Un second degré que vous confirmez être involontaire ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin Lassauzé. Merci. Et je rappelle que si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la réentendre et la re-télécharger sur metaclassique.com. qu'y a-t-il là, Bob de l'eau ? Une petite fille qui pleure.